Au sommaire de ce numéro 18, un ange de Kunmortir et une incursion chez le voisin luxembourgeois avec Gutland de Govinda Van Mal. Commençons par un ange sorti ce 19 septembre. J'ai rencontré Kunmortir et la question que je lui ai posée, c'est pourquoi ce film ? En fait, j'avais un autre projet depuis des années. J'ai en fait les droits d'un bouquin de Palahniuk, Chuck Palahniuk, qui a écrit Fight Club. Et c'était bloqué en Amérique, alors j'avais pas de projet. J'avais reçu le livre de Dimitri Verhoost et j'ai lu. C'était dans l'avion. Quand j'ai descendu, j'ai dit je veux faire ce film. Parce que, en fait, l'histoire est inspirée par l'histoire de Frank Van Bruggen. Mais ça m'intéressait moins. Ça m'intéressait surtout la façon où c'était écrit. Et c'était raconté, c'était la voix de la prostituée qui raconte l'histoire. Il a improvisé sur ce qui s'est passé. Alors c'est pour ça que pour moi non plus, si quelqu'un dit c'est l'histoire de Van Bruggen, oh oui, c'est inspiré par lui, mais personne ne sait ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas amoureux, je crois. J'aimais bien l'idée de qu'elle raconte l'histoire et je me suis dit, tiens, si maintenant je fais une histoire... Je prends cette histoire, pourquoi je choisis pas pour vraiment l'amour, que c'est une sorte d'histoire amour fou, mais une sorte d'amour fou, histoire, mais avec un sentiment unheimlich, un sentiment double, crasseux. Sautant fiévreusement entre passé et présent, voguant entre fantasmes et réalité, le troisième long métrage de Kunmortir n'est pas une histoire d'amour conventionnelle. Son film capture à la fois la passion intense et l'instabilité de l'esprit volatile du coureur. En fait, l'histoire est secondaire par rapport au développement du caractère et à l'atmosphère. Vincent Rottier, qui joue Thierry et Fatou Ndiaye, qui joue Faé, sont tous les deux bons et crédibles. Kunmortir emmène les spectateurs avec lui dans le voyage infernal de Thierry et déplace notre sympathie d'un personnage à l'autre. Il réussit particulièrement bien à créer une atmosphère tendue et déprimante. Le réalisateur utilise les couleurs, l'éclairage et le son pour montrer les différences. Pour Faé, il utilise un éclairage rouge et faible, tandis que pour Thierry, c'est une image bleue et plus brillante. Lorsque Thierry et Faé vont dans une discothèque sombre et encombrée, la chanson jouée est « Sunny » de Boney M. Les lumières et les couleurs changent au fur et à mesure que leur situation personnelle change. Tout aussi sombre et romantique que dérangeant, un ange est une histoire d'amour que l'on n'oublie pas facilement. Passons maintenant à Gutland, sorti ce 12 septembre. C'est lors du festival du film d'Ostende que j'ai rencontré le réalisateur Govinda Van Mal et je lui ai demandé pourquoi Gutland. Parce que je voulais faire un film luxembourgeois, un film qui raconte quelque chose qui est personnel et peut-être aussi nouveau, c'est-à-dire original. Et je crois presque toutes les histoires luxembourgeoises sont originales parce qu'il y a très peu de films luxembourgeois. Donc ça, c'est une grande chance pour nous, dans un certain sens. Et je voulais faire un film qui parle du Luxembourg comme moi je le connais, comment je l'aime et comment je le critique aussi. Il y a plein de choses qu'on peut critiquer dans chaque pays et je crois que c'est important de faire ça avec chaque œuvre d'art, de s'interroger du monde dans lequel on vit. Et le monde dans lequel je vis, c'est le luxembourgeois rural. Un film luxembourgeois sortant en Belgique, c'est rare. C'est pourquoi j'ai voulu voir le premier long métrage de Govinda Van Mal, qui est d'origine belge par son père. Bien m'en a pris puisque c'est un bon film permettant de découvrir de bons acteurs et une belle région située dans le centre et le sud du Luxembourg. Cela est en partie dû aux images que le réalisateur et son caméraman et aussi son frère Narayan Van Mal nous proposent pour capturer les prairies, les champs de maïs et les bosquets. Il y a comme un côté idyllique, mais de sombres secrets sont cachés par les villageois et un étranger va déranger ce bel ordonnancement. Le protagoniste principal, c'est Jens, joué par Frédéric Lowe. Il y a dans son personnage un mélange de retenue et de paranoïa. Par ses expressions et ses gestes, il montre le changement progressif qui se fait en lui et vis-à-vis des villageois. Celle qui l'a accueilli avec sympathie, même plus que de la sympathie, c'est Vicky Krieps. Elle a tourné Gutland un peu avant Phantom Tweet, film où elle a explosé à la face du monde. Elle est Lucie, une femme fatale et agitée, de celle qui allume un feu sans se soucier des conséquences. Autour de ces deux-là, il y a des acteurs luxembourgeois valant la peine d'être connus. Par exemple, Marco Lorenzini, le bourgmestre plutôt inquiétant et dépositaire des secrets de la petite communauté. Ce film, c'est également un mélange de genres. Le thriller, l'étude de mœurs et le fantastique. Le tout est bien mixé et permet au spectateur de trouver son bonheur. Gutland est vraiment à découvrir. À la prochaine!